Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue dans le Mag sur Radioactive. Aujourd'hui, en ce début de semaine, on va se plonger dans la bonne humeur. Je reçois JP Sanchez de la compagnie Colboc, organisateur du festival L'Art prend l'air à Reny. Ce festival de rue revient pour sa 7e édition, les 4 et 5 octobre, sous le thème du jeu. Rallye, spectacle de rue, concert, jeu en bois, on va tout savoir. Une belle édition encore en perspective, on va donc en parler ensemble de l'esprit de ce festival, de sa programmation. Bonjour JP. Eh bien bonjour Radioactive. Bienvenue chez nous, à Mont-Louis cette fois. Oui, je visite le pays. Alors est-ce que tu peux nous parler, peut-être dans les grands mots, de la compagnie Colboc, et puis comment vous en êtes arrivé à porter ce festival? Alors, c'est pas ça, je vais juste rectifier un petit truc. Moi, je ne suis pas l'organisateur. D'accord. Je suis, on va dire, à l'initiative d'une idée, parce que j'habite Reny. Ce n'est pas par hasard que ce festival a lieu là-bas. Et les organisateurs sont la mairie de Reny, en fait. Et j'avais émis l'idée de porter ce festival, mais plus en termes de programmation. C'est-à-dire d'amener les spectacles. C'est ça. Et par contre, c'est la mairie qui porte le festival. Voilà. Autant pour moi, parce que tu me l'avais déjà expliqué la première fois que tu es venu. Et puis, donc, c'est bien de remettre. Il ne faut pas être content si on dit que je fais tout le festival tout seul. Rendons à Reny ce qui est à Reny, bien sûr. Et on ne fait rien tout seul, en plus. Donc, moi, j'ai lu « Petite jauge, mais belle programmation ». Non, pas du tout. Non, je ne sais même pas où tu as trouvé ça. Bah alors, non, mais par contre, c'est très joli. C'est très joli parce qu'effectivement, c'est quoi une grande jauge, une petite jauge? Nous, il y a 2 ans, quand il faisait beau, parce que les arts de la rue marchent toujours vraiment mieux quand il fait beau. Il faisait beau il y a 2 ans parce que c'est un festival biennal. Voilà, on était 3, allez, moi je dirais bien 400, 500 sur la journée quand même. Et ben, en fait, ça suffit aussi, parce que quand tu as un spectacle, et déjà avec 400, 500 personnes dans une petite commune, et ben ça fait rempli en fait quand même. Quoi. Et par contre, ce sont quand même des spectacles de qualité, ça c'est vrai. Petite jauge pour grand spectacle, on va dire, oui, ça c'est vrai. C'est bien de rebondir sur une info qui n'était pas bonne pour le coup, mais voilà, qui nous permet quand même de mettre de l'eau au moulin. Donc cette 7e édition, elle est placée sous le signe du jeu. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. C'est une bonne info, là. C'est pour ouvrir l'imaginaire, on va dire, ce thème. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se décline dans les spectacles et les animations? Eh bien, assez simplement, on va dire que le jeu, déjà, bah moi je pars d'un principe tout bête. Quand on fait du théâtre, on joue à jouer. Hein, donc déjà, on va jouer à jouer. Et c'est pour ça qu'on va commencer avec le Rallye des Fous, le samedi. Alors ça, c'est marrant, c'est depuis l'édition d'avant, on a créé une ouverture du festival. Et à chaque fois, cette ouverture, on essaie de créer nous-mêmes une sorte de performance avec les forces vives du coin. Et là, cette année, j'ai eu l'idée de créer le Rallye des Fous. Parce que sous le thème du jeu, donc il y a des personnes à Reny qui nous ont écrit des questions un petit peu sur Reny, une sorte de question du patrimoine de Reny, un quiz patrimoine, mais pas que patrimoine, il y a des questions aussi toutes simples, mais pas mal patrimoine, oui, quand même. Mmh. Et moi, j'ai théâtralisé cette chose, c'est-à-dire qu'on en a fait un déambulatoire théâtralisé, et j'ai invité des comédiens amateurs, et pas du tout aux comédiens aussi. En fait, on va partager le public en 5 groupes, là j'entre un peu dans le détail. Okay. Et à chaque fois, chaque groupe aura 2 maîtres du jeu qui vont les accompagner. Donc, ils vont faire attention qu'ils trouvent bien les bonnes réponses. Et puis, qu'ils vont théâtraliser tout ça. C'est-à-dire des fous. On va vraiment avoir 5 duos un peu dingues, avec un commissaire au jeu aussi au début, avec des gens du comité des fêtes qui vont être là pour... Enfin, voilà. On a créé toute une équipe. On est 12 à 14, un petit peu. On cadre ce rallye des fous. Et ça va bien être fou. Je pense que ça va être bien fou. Donc voilà, ça c'est une petite performance théâtrale, amateur, participative, pour ouvrir et faire une visite dans les rues de Reny. Et ensuite, le soir, après le samedi soir, il y aura les frères Jacquard. Voilà. Ça c'est un petit peu la soirée d'ouverture, on va dire, on commence le samedi soir. Très bien, et ça sera sur la place de la République. Hein, voilà, c'est en plein milieu, ça se faisait plus, ça c'est pareil, depuis l'édition d'avant, on a réussi à remettre des spectacles là, et je suis bien content, parce que c'est un peu le cœur du village, et il faut vraiment couper la route nationale, et voilà, ça c'est pas évident, et on le fait, il paraît que dans le temps, même le bal du 14 juillet avait toujours lieu là, et je suis bien content de ça, voilà, on est vraiment au cœur du village, on bloque le bourg pour ce moment. Et puis tout à l'heure, tu parlais donc du thème du jeu, après il y a quand même des spectacles un peu en rapport, la compagnie des BK, c'est une sorte de grand jeu de loi, pour savoir ce qu'est un président de la République. Puis moi, de toute façon, jouer, oui, on joue. On va décliner la chose dans tous les sens. Il va sûrement y avoir pas mal de dés à jouer en déco. Il y a vraiment Julie et Marion qui amènent leurs jeux personnels et quelques grands jeux, avec la participation aussi de Monique. Voilà. Enfin, c'est vraiment des gens du village là, qui sortent leurs jeux, pour qu'il y ait naturellement des jeux de société sur place. Voilà. Donc on est sur une dimension familiale, clairement. Oui, oui, oui, c'est très simple, c'est familial, amateur aussi, participatif, enfin voilà, pour tout ce qui est thème. Voilà. Donc on a pas mal parlé du samedi et le dimanche, une journée bien remplie qui s'annonce aussi avec à 11h30, ça commence par la tête de Harangue et compagnie. Voilà, et en plus, alors qu'ils jouent leur spectacle The Incredible Magic Show, et c'est la dernière représentation de ce spectacle qu'ils jouent, je pense, depuis des années. Et ça, c'est mignon, c'est émouvant. L'autre jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit « Tu sais, chez toi, ça sera la dernière ». Ah. Bah, je trouve que c'est émouvant. Donc il faut venir les voir. Ceux qui connaissent les têtes de Harangue, venez les voir. Ça va être leur dernière de ce spectacle. Ils sont très, très, très drôles. C'est une histoire de magicien qui croit qu'il va finir à Las Vegas. Et puis son assistant est un petit peu branque. Donc ça va un petit peu basculer dans le n'importe quoi. Mais pareil, quand on lit un petit peu leur texte, je crois qu'ils jouent à jouer de la magie. Enfin, voilà. Puis je trouve que vraiment le terme du jeu, c'est très théâtral, quoi, forcément. Voilà. Donc on commence avec eux et après, cette fois, on fait l'inauguration du festival après l'ouverture. On aime bien nous faire la fête hein, quand même. Donc c'est ce là, que pareil, constate, je crois qu'il y a Nicolas Tocquer, notre maire, qui va jouer son petit speech. Voilà, je crois qu'il va le faire sous le thème du jeu. Et c'est une surprise. Il m'a dit non, mais je te dirai, mais j'ai prévu quelque chose. Voilà. Et ensuite, là, on va commencer à accueillir. Il y aura de la musique avec Pan & Co. Ce sont des gens qui font du steel pan, steel drum. Je ne sais jamais exactement comment on dit. C'est assez original. C'est des gens qui sont à la Morinerie, pas très loin de la compagnie Colbock. Donc je me suis un peu intéressé à eux. Et je trouve ça intéressant. Ils vont nous jouer du calypso. Voilà. Ils vont nous faire du calypso, de la musique traditionnelle de Trinidad. Voilà. Donc je trouve que ça fait du bien pour un été indien d'avoir de la musique comme ça qui va nous réchauffer le cœur. Et cette fois, ce sera au jardin du presbytère. Eux, ils vont se déplacer tout l'après-midi. D'ailleurs, c'est pas facile pour eux. Je leur demande d'intervenir régulièrement entre les spectacles et ressortir un petit peu leur calypso pour nous faire du bien au cœur. Donc ils vont commencer à l'inauguration dès midi et demi. On les retrouvera plusieurs fois dans l'après-midi. Voilà. Ensuite, on va manger, hein, parce qu'il faut manger. Là, on mange tranquillement. Alors, il y aura des foisses, comme les autres années. Puis, ça peut être un pique-nique tiré du panier. Enfin, voilà. Et ensuite, on commence dès... C'est vrai que je dis souvent « voilà ». On m'a dit que je dis souvent « voilà », je l'ai dit encore une fois. Ah, je ne les ai pas comptés. Moi, je m'entends maintenant le dire « voilà ». Et ben voilà. Donc, une fois qu'on aura mangé, on va accueillir un monsieur un peu fou. Le maître mot, c'est la compagnie Wonderkaline. Donc c'est Vincent Pansuet qui il jongle avec son maître et nous emmène dans un pur délige verbal, le jeu des mots. Vous voyez, ce monsieur aussi va jouer avec les mots. Donc il est complètement dans le thème. Hein. Et c'est une sorte de Don Quichotte. Moi, quand je le vois jouer, pour moi, c'est une sorte de Don Quichotte qui se bat avec les éléments. Et c'est vraiment un poète des mots, un peu la Raymond DeVos, certains disent. Je trouve que c'est complètement fou. Voilà, c'est complètement fou. Il va jouer dans le jardin du presbytère, compagnie Wonderkaline, qui a sa petite réputation. Hein, voilà. Avec le maître mot M-E-T-R-E, évidemment. Voilà, le maître de mesure des ouvriers. Quoi. Voilà, c'est bien couillon, comme j'ai envie de dire. Voilà. Et ensuite, on va enchaîner avec la compagnie DBK, Mission Président. Là, c'est pareil, un déambulatoire théâtralisé. Ça se passera dans la cour de l'école. Donc, ils vont nous faire découvrir ce qu'est la profession de président de la République. Alors là, un grand truc fou. Et ça, justement, ils vont se servir d'une sorte de jeu de loi pour nous apprendre ça. Donc, c'est pareil, ils sont à fond dans le thème. En fait, j'ai pris que des spectacles sans faire attention, à fond dans le thème. Mais j'ai pas fait... En fait, disons qu'un thème, moi, quand on est programmateur, je trouve qu'un thème, ça peut être... c'est intéressant. Ça peut être clivant, quelque mais part c'est aussi. Clivant, parce que moi, j'ai surtout envie de faire des spectacles qui me touchent. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et après, c'est la poésie qui fait qu'on arrive à trouver que ça a un lien avec le thème ou pas. Oui. Voilà. Et c'est donc, je tiens à le dire, il y a dans cette compagnie, donc DBK, c'est l'ancienne compagnie Théa La Rue, qui avant était plutôt vers, si je ne dis pas de bêtises, vers Le Mans. Et un des comédiens principaux, l'admission président, c'est Stanislas qui jouait en fait Jérôme Poulain. Donc il est assez connu dans le coin. Ah oui. Voilà, tu vois, quand on dit Jérôme Poulain, là on connaît. Donc c'est Stan qui joue dans ce spectacle, donc ça donne vraiment une force au spectacle, naturellement. Voilà, ensuite on va retrouver encore un petit coup de Pan & Co avec du Calypso. Et ensuite, Jossature va venir. Donc il devait déjà venir il y a 2 ans, mais il s'était blessé. Donc la compagnie Jossature et ses joyeux osselets avec le spectacle Oulala. Et bien, ce sont 4 fantaisistes qui jouent à jouer. Tu vois, comme quoi, j'ai même pas fait exprès. On est dedans. Hein. On est à fond dedans. Et donc, ça, c'est des gens complètement dingues qui passent d'un sketch à l'autre. D'ailleurs, leur texte, c'est « Quel point commun y a-t-il entre un orchestre, un mouton, une danseuse hawaïenne, un bulletin de vote, un chanteur flamenco et une cure de thalasso ?» Allez, on va découvrir tout ça en une heure. C'est pas évident, là, comme ça. Ouais. Hein, c'est pas évident comme pitch. Et ils sont complètement fous. C'est des dieux du burlesque en France, dans leur catégorie. C'est des gens qui jouent depuis une trentaine d'années. Ils viennent de Caen. C'est un musical express. Et c'est vraiment un spectacle admirable, adorable. C'est des gens qu'on aime beaucoup, la compagnie Kaulbach. C'est des copains, voilà. Et je suis très content qu'ils viennent, voilà. Et ben voilà, j'en ai encore dit deux, trois. C'est peut-être sous le thème du jeu. Et voilà. Un petit coup de Panenko et on terminera en musique avec Sarava, le Pagodge de Sarava, qu'ils jouent de plus en plus d'ailleurs. C'est une formule où ils sont à peu près une quinzaine. Donc c'est pas de la batucada, c'est de la musique, pareil, un petit peu, pas des îles, mais de Rio de Janeiro. Et c'est des chants brésiliens et c'est magnifique. Moi j'adore cette musique, ça me fait vraiment du bien. Moi qui ai un gros rocker, j'avoue que ça m'adoucit. Voilà. Et puis je trouve que c'est très bien pour finir l'après-midi. Je pense qu'il y aura un super rayon de soleil à cette heure-là. Et on sera au jardin du presbytère. Donc tu vois déjà quand on va enchaîner ce spectacle dans l'après-midi, parce que le but c'est pas d'enchaîner comme des fous des spectacles non plus, mais voilà, ça va se passer entre 11h30 et 19h tout ça on va dire. Eh ben quel beau programme riche, fourni et super emballant. En tous les cas, ça donne très envie. Comment tu fais pour la construire, cette prog ? Parce que, alors, on parlait du thème à l'instant. Alors, un thème, oui, ça peut être bien, ça peut être clivant. Et d'un autre côté, alors, toi, tu as quand même une bonne grosse expérience du milieu. Il y a un réseau de connaissances qui est quand même super large. Est-ce qu'on fait jouer les copains ? Est-ce qu'on va un petit peu. Est-ce que tu vas découvrir d'autres spectacles ? Un petit peu, parce qu'on n'a pas non plus des budgets de dingue. Donc, forcément, des fois, il faut connaître un petit peu les gens. Et puis, j'ai pas tellement parlé des frères Jacquard, samedi soir, qui sont quand même pour moi, on les écoutera après. Un peu une tête d'affiche quelque part, les frères Jacquard, c'est un truc de fou. Mais oui. C'est des gens qui, là ça s'appelle The New Bamboche, donc c'est la nouvelle Bamboche, c'est des gens qui chantent admirablement bien, qui jouent de la musique admirablement bien, qui ont un humour, mais un truc de fou. Ils sont vachement connus, ils ont fait plein de clips. En fait c'est assez ringard, c'est des mecs assez ringards et qui déforment, qui chantent des paroles de chansons sur des musiques, sur d'autres musiques de chansons. Qui n'ont strictement rien à voir dans le style. Et ils le font hyper bien, ils reprennent, c'est du tube classique, hein, c'est français, c'est vraiment de la variété française, mais super bien joué avec une grosse patate. Et eux, par exemple, c'est des gens dont on les a souvent croisés, mais je peux pas dire que c'est mes copains non plus, mais ils sont tellement forts. Ils sont quand même venus quelques fois en Touraine. Hein, oui, parce qu'ils sont pas du coin, les frères Jacquard. Hein. Là, non, c'est, ils sont pas de sur du local, hein. Genolac, dans le département du Tronc. Enfin, c'est dans le sud. Voilà, et ils sont un petit peu connus quand même dans le coin, donc c'est bien parce que tous ceux qui les ont vus, ils étaient aux années jouées, d'ailleurs je crois qu'il y avait 2000 personnes à la fin le samedi soir devant les frères Jacquard, enfin c'est des gens, ils sont vraiment très forts, ils jouent dans une caravane, c'est admirable. Moi je dis qu'il y a plein de manières de faire une programmation, moi je fais surtout des spectacles qui je trouve qu'ils valent le coup d'être défendus, c'est-à-dire que je peux pas programmer un spectacle que je défendrai pas. C'est ce que je dis toujours. Après, les goûts, les couleurs, on n'a pas forcément tous les mêmes. En général, c'est quand même des gens de talent. Moi, j'aime bien les spectacles quand même bien ficelés, puis qui amènent quelque chose et qui ont quelque chose de théâtre de rue. Enfin, cette espèce d'esprit théâtre de rue un peu dingue. Voilà, j'aime bien un théâtre assez dingue, moi. Assez dingue, assez familial. Et je crois que là, c'est une programmation qui reflète quand même bien ça. Voilà. Ouais, il y a du jeu, il y a de la folie. Voilà, il y a de la folie. Après, à une époque, il y a une bonne vingtaine d'années, je faisais festival Au nom de la Loire à Tours, où là, effectivement, il y avait énormément de compagnies qui venaient. Je connaissais vraiment beaucoup de compagnies. Là, maintenant, j'en connais un petit peu moins quand même. Donc, faut chercher. Pareil, je fais du théâtre de rue sur Au quart de tour. Et tous les ans, je cherche qui va venir animer les 5 jours de folie. C'est pas facile, faut vraiment fouiner, faut avoir un peu de flair. C'est ça, programmateur, faut avoir du flair. Ça, voilà, ça c'est peut-être un talent qu'on a ou qu'on n'a pas. Mmh. Et puis après, faut se renseigner, faut appeler. Faut oser aussi appeler les gens. Des fois, ça se fait, ça se fait pas, ils sont dispo, c'est trop cher ou pas. Mais faut un peu oser. Faut être un peu fou, programmateur, quand même. Ouais. Et toi, t'es un gros mangeur de spectacles ? Tu assistes à beaucoup de spectacles ? Non, pas tant que ça, parce que déjà, j'habite dans la campagne. Donc ça, déjà, ça me réduit un petit peu. Ah, c'est ce qui fait que tu fais venir du spectacle à la campagne aussi. Ouais, c'est, moi, j'ai, pour un spectacle, j'ai besoin de les faire venir à moi. Non, mais après, je pense que j'en vois peut-être un petit peu plus que la moyenne de par notre métier, quand même, qui est dans le spectacle. Mais il y en a énormément. Moi, je pense qu'il y a énormément de spectacles aussi, d'artistes, il y en a énormément. Donc voir tout, déjà, c'est très compliqué. Et puis, ouais, il y a beaucoup de spectacles en France, quand même. C'est les revers de l'intermittence, ça. C'est-à-dire que c'est très bien, mais du coup, il y a énormément de spectacles. Voilà. Et puis, beaucoup de lieux qui proposent du spectacle aussi, maintenant. Puis, il y a plein de spectacles différents, quand même. Même entre spectacles, pareil, entre de l'art, un petit peu pour les jeunes, on va dire. Moi, j'ai quand même plus de 50 ans, déjà, et on n'écoute pas la même musique quand on a 15, 20 ans aujourd'hui et 50 ans. On n'a pas les mêmes goûts, je pense que même l'humour, mais en ce moment, c'est ça qui me fait beaucoup réfléchir, l'humour change beaucoup en ce moment. J'ai une petite troupe, moi, de théâtre à Reny. J'ai envie de faire travailler les enfants sur la liberté d'expression. Et d'ailleurs, je leur ai déjà parlé de ça. Ça leur cause pas du tout. Mais je trouve que... Voilà, je réfléchis beaucoup en tant qu'artiste sur qu'est-ce qu'on a le droit maintenant, la liberté d'expression. J'ai envie de... Ouais, c'est vrai que c'est une vraie question. Puis je pense que dans l'art, tout a été fait, entre guillemets. Ça fait déjà longtemps qu'on le dit. Enfin, beaucoup de choses ont été faites. Alors, toujours réimaginer ou adapter un discours ou réfléchir à... De quoi on parle ? En fait, j'ai envie de réfléchir de quoi on parle. Et, et je pense qu'il y a deux ans, je t'avais déjà dit que moi, j'en avais marre des spectacles qui ont du sens aussi. Mais je trouve qu'il faut un peu de tout ça. Il faut qu'il y ait du sens, ou des fois pas trop de sens, mais on est vraiment là pour rigoler ou pour dire tout ce qu'on a envie de dire aussi sur place. Comme Didier Super, par exemple. Pour ceux qui connaissent Didier Super, Oliver, pour moi, Didier, c'est un des derniers qui ose encore dire sur scène tout ce qu'il pense. Et il choque les gens. Ah, ben moi, il me fait un bien fou. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, il n'y a pas très longtemps, on discutait avec d'autres radios, notamment. Et pour certains, ils ne programment pas Didier parce qu'il y a vraiment des gens qui le prennent au premier degré, qui s'offusquent. Ben ouais, mais moi, je trouve que c'est chiant. Moi, je trouve pas, parce qu'autrement, on va lisser. Ben on va tout lisser. On va complètement se lisser. Et je trouve que le politiquement correct me gêne beaucoup. Il y a vraiment des choses dans cette société. Même des jeunes, moi, je jouais au quart de tour, je fais des trucs un petit peu hard quand même. Et j'ai des gens de 20-30 ans qui viennent me dire, mais monsieur, je m'appelle monsieur, ça m'agace. Déjà rien que monsieur, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de dire ça. J'avais fait un spectacle sur les religions avec Cacahuète, ils venaient me voir, les jeunes, ils me disaient, monsieur, on n'a pas le droit de dire ça. Et moi, ça me... Ah oui, je suis d'accord. Moi, j'ai grandi dans une époque où si tu étais à la rigueur contre quelque chose, on avait le droit de le dire. Mmh. Et à la rigueur, après, tout le monde n'était pas d'accord. Mais ceux qui étaient d'accord avec nous, qui étaient contre, pourquoi pas. Mais on se laissait dire un peu les choses. Mmh. Enfin, on avait le droit de rigoler avec des bonnes sœurs, des curés, des... Enfin, je sais pas, il y a une époque... À l'époque bien, de Jean-Yann, les mecs, ils rigolaient de tout, quand même. Évidemment. Et moi, ça me gênait pas, ça. Et je trouve qu'il vaut mieux... Parce que c'est là qu'après, on va pas voir qu'il y a une âme un peu de fasciste, une âme de raciste. S'ils le disent plus, si on ne dit pas... comme dit mon fils, moi j'ai demandé à des jeunes, parce que ça c'est intéressant sur l'art, et c'est ce que j'ai envie qu'il se passe un peu dans un festival, que les artistes aussi agacent un peu les gens, puis que les gens discutent entre eux. C'est le but. Mon fils, je lui disais, mais est-ce que vous faites encore des blagues, par exemple, racistes entre vous dans une cour d'école ? Il me dit, oui, on en fait. Ah, t'es rassuré là. Oui, ça me rassure du coup. Mais effectivement, il se cache un peu pour le faire là. Et puis il dit, mais ça se passe bien. Il dit, par contre, c'est vrai qu'il y a machin, je ne vais pas dire son prénom, je ne connais même pas, moi dire un Fabrice, n'importe qui. Lui, quand on commence, après, il n'arrête pas de la journée. Et des fois, au bout d'un moment, ça nous dérange. On dit, non, mais là, il faut que tu arrêtes. Et c'est comme Fabrice, ça. Fabrice, à la maison, il entend des trucs qui sont sans doute pas très sains. Et puis lui, du coup, l'immigration le gêne, Fabrice. Ouais, mais c'est comme ça qu'on le sait que ça le gêne. Ouais, c'est en commençant par les blagues, sauf que lui, il continue. Et les autres, à un moment, ils arrêtent, parce que c'est bon, on arrive deux minutes sur l'immigration, ou sur le... Enfin, dire, nous, on rigolait que les Belges, les Arabes, les Américains, mais je pense que c'est là qu'on voit celui qui exagère, et qui, du coup, peut-être le pense vraiment. Alors que si, du coup, on peut plus blaguer sur rien, alors on le verra que dans les urnes, mais c'est déjà trop tard. Enfin, c'est déjà trop tard, si on peut plus donner son avis... Surtout dans des spectacles, enfin, je vais te dire. Parce que du coup, Oliver, Didier Super, il se défend quand même sur Internet. Il y a des gens qui leur écrivent des trucs. Et c'est même sa copine, parce qu'il en fout plein la tronche aux filles, tout ça. Et c'est sa copine qui répond aux filles qui sont outrées, les féministes qui sont... Et elle leur dit, mais c'est les filles, c'est un spectacle. Enfin, je vais te dire, on rigole, quoi, tout ça. Ouais, mais il y a des filles qui supportent pas qu'un mec dise encore que t'es pétasse, machin, à une fille. Mais comme disait Coluche, quand ça ne plaît pas, il y a un bouton sur la radio, il y a un bouton sur la télé, il y a un bouton sur l'ordi, on tourne le bouton et on regarde pas. Mais oui, et puis il le fait très bien. Enfin, moi, je trouve qu'il le fait très bien. Mais on sait que c'est un personnage. Et on sait que justement, il le pense pas, mais il le dit pour ceux qui le pensent. Moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Et des proches aussi disaient qu'on pouvait rire de tout. Moi, j'y crois, ça. Ouais. Bon, là, je pense pas que vous aurez des spectacles. L'art prend l'air, ça devrait aller quand même. Voilà. Ah, après, les frères Jacquard peuvent t'en entendre sortir une petite bonne. Pour le coup, je pense que là, tu vas mélanger les générations avec un spectacle comme ça. Ouais, les Jacquard, ça plaît à tout le monde. Même aux ados. Ouais, ça plaît aux ados. Ouais. En ce moment, sur Radioactive, tourne un titre qui s'appelle Killing in the Name of the Bamboo, où on retrouve du Rage Against the Machine, mais avec les paroles de Philippe Laville, ce qui est quand même un mélange assez détonnant. Donc, moi, j'ai hâte de découvrir les frères Jacquard sur le palier de leur caravane. Donc, ça, ce sera samedi. Ouais, samedi soir, là, le 4, à 21h. Très bien. Ah bah écoute, comment ça se passe pour venir au festival? C'est tout libre d'accès? Alors les frères Jacquard, je profite. Oui, c'est gratuit, tout ça. Les frères Jacquard, la mairie a réfléchi à quelque chose, parce qu'on était un petit peu juste en argent, tout ça, et tout le monde a des soucis d'argent, bien sûr. Et ils ont envie de faire quand même une sorte de barrière pédagogique avec une sorte d'entrée libre pour expliquer aux gens que souvent on offre des spectacles aux gens et c'est pas parce qu'on leur offre des fois en plus qu'ils viennent nombreux. Donc des fois ça les agace un peu, les gens qui, les politiciens, les élus culturels qui programment des choses, qui essaient de bien faire pour leur commune. Et donc là ils vont leur dire quand même que les gens peuvent donner ce qu'ils veulent et en formant une sorte de barrière pédagogique. D'accord. Moi je sais pas quoi en penser de ça. En tout cas après moi je dis toujours que quand le vin est tiré il faut le boire. Donc quand on a programmé ces spectacles il y a déjà un an et demi, c'était gratuit. Donc moi je reste là-dedans, en tout cas je voulais pas non plus qu'on mette des barrières, ça serait pas joli pour les arts de la rue, voilà. Mais il y a de plus en plus d'événements dans la rue qui sont fermés avec des barrières, avec une entrée payante. C'est aussi un changement des arts de la rue aussi, voilà. C'est vrai, je partage également ces propos-là. Écoute, merci beaucoup JP pour ce chouette moment de partage et tu nous as largement donné envie d'aller à Reny ce week-end. Donc on rappelle que ce sera les 4 et 5 octobre, donc samedi et dimanche, avec plein de spectacles. L'art, le festival L'Art prend l'air. L'Art prend l'air, exactement. Très bel événement à vivre, on vous invite nombreux à venir découvrir tous les spectacles. Et puis ne pas hésiter à venir tôt pour s'imprégner de l'ambiance aussi, parce qu'il y a des choses tout au long de la journée. Voilà, le samedi, donc ça commence à 18h30. Et le dimanche, à partir de 11h30 le matin. Voilà. Merci beaucoup, JP. Merci à toi. On retrouve toutes les infos sur la page Facebook. Oui, puis sur le site de la mairie, tout simplement aussi. Voilà, dans l'agenda. Voilà, la mairie de Reny. Ouais, voilà. C'est parfait. Merci. Merci beaucoup, c'est la fin de ce mag. Si vous en avez raté une miette, vous pourrez la réécouter en podcast sur notre site internet www.radioactivefm.fr. Carlos Adamo, Serge Lama, Annie Cordy, Mouskouri, Nana, Rika Zaraï, Barzotti, Sheila, Demis Roussos, Avec sa gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et ses cheveux aux quatre vents. Avec ses yeux tout délavés, qui lui donnent l'air de rêver, lui qui ne rêve plus souvent. Carlos Adamo, Serge Lama, Annie Cordy, Mouskouri, Nana, Rika Zaraï, Barzotti, Sheila, Demis Roussos, Dalida. Tu vois pas qu'il en manque un là? T'as pas vu le plus beau de tous les chanteurs barbus? Tu vois de qui je veux parler? Tu vois de qui je veux parler? Tu vois de qui je veux parler? Tu vois de qui je veux parler? Tu vois de qui je veux parler? Tu vois de qui je veux parler? Toi de qui je veux parler, Moustaki. Ah oh, Georges, Georges, avec ta gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et tes cheveux. Et nous ferons de chaque jour toute une éternité d'amour. Et nous aimerons à en mourir. Carlos Adamo, Serge Lama, Annie Cordy, Mouskouri, Nana, Rika Zaraï, Barzotti, Sheila, Demis Roussos, Dalida. Tu vois pas qu'il en manque un là? T'as pas vu le plus beau de tous les chanteurs barbus? Tu vois de qui je veux parler? tu vois de qui je veux parler, tu vois de qui je veux parler, tu vois de qui je veux parler, tu vois de qui je veux parler, tu vois de qui je veux parler, tu vois de qui je veux parler, tu vois de qui je veux parler, tu vois de qui je veux parler. Et c'est parti, top chrono. Je compose et j'interprète mes premières chansons en 1968 et commence pour moi une longue carrière internationale. Poète et musicien, je chante l'amour, je danse la vie, je m'accompagne d'une guitare même pas électrique, ma barbe est légendaire, je suis un métèque, je suis... Moustaki ! Oh oui, oui, oui, oui ! Bonne réponse, oh, j'adore ce jeu. Il s'agit bien de lui, oui, Moustaki. Oh, c'est pas du Brel, c'est pas du Brassens, non, c'est pas du Zanini, c'est Moustaki. Moi, avec son style désinvolte, c'est bien lui, ouais, Moustaki. Qui c'est qui est tombé dans la Moustaki quand il était tout petit, Moustaki. C'est qui kiffe le tzatziki, Moustaki. Vous avez lu mes fiches ou quoi, Moustaki? Pas Mouskouri, hein, Moustaki. Moustaki. Ah, les diamants. Moustaki. What? Moustaki. C'est qui le patron? Moustaki. Oh. Moustaki. Moustakoua déjà? Moustaki. Oh, change. Moustaki. Allez, change. Moustaki. Allez, vas-y. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Moustaki. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.